إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله عز وجل حق التقوى. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها المسلمون، إن أعمال القلوب أعظم شيء وأكبر شيء، فثوابها أعظم الثواب، وعقابها أعظم العقاب، وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ومبنية عليها. ولهذا قيل: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ومعنى استقامة القلب توحيده لله عز وجل، وتعظيمه ومحبته لله، وخوفه ورجاؤه، ومحبة طاعة الله وبغض معصيته. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن من أعمال القلوب التي تبعث على الأعمال الصالحة وترغب في الدار الآخرة، وتزجر عن الأعمال السيئة، وتزهد في الدنيا، الخوف والرجاء. فالخوف من الله تعالى سائق للقلب إلى فعل كل خير، وحاجز عن كل شر، والرجاء قائد للعبد إلى مرضات الله وثوابه، وباعث للهمم إلى جلل الأعمال، وصارف له عن قبيح الأفعال. والخوف أيها المسلمون، الخوف من الله عز وجل مانع للنفس عن شهواتها، وزاجر لها عن غيها، ودافع لها إلى ما فيه صلاحها. والخوف من الله عز وجل شعبة من شعب التوحيد، وأصل من أصوله، يجب أن يكون لرب العالمين. وصرف الخوف لغير الله عز وجل شعبة من شعب الكفر، وقد أمر الله عز وجل بالخوف منه، ونهى عن الخوف من غيره. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: وإياي فارهبون. Chers musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et comme le dit Allah Azza wa Jal dans son noble livre Selon le Sens, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe de ce qu'il y a dans les cieux comme de ce qu'il y a sur terre. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les actes du cœur sont les actes les plus importants, et leur récompense est immense, de même que leur châtiment et leur punition est d'autant plus grande. Et sachez que les actes du corps suivent les actes du cœur. Ainsi il est dit que le cœur est le roi des membres, et que le reste des membres ne sont que son armée et ses soldats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi du serviteur ne peut être droite et rectiligne que lorsque son cœur est droit. Et la signification d'un cœur droit, c'est un cœur qui voue exclusivement son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui immensifie Allah, un cœur qui aime Allah, un cœur qui a peur d'Allah, un cœur qui espère la miséricorde et la récompense d'Allah Azza wa Jal, un cœur qui aime l'obéissance à Allah et qui déteste de lui désobéir. L'imam Muslim rapporte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas ni vos images, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs ainsi que vos actions. » Et parmi les actes du cœur qui amènent à accomplir de bonnes œuvres et qui motive et encourage à œuvrer pour l'au-delà, parmi les œuvres du cœur qui permettent aux musulmans de s'éloigner des péchés et des désobéissances à Allah Azza wa Jal, parmi les actes du cœur qui permettent de faire preuve d'ascétisme face à cette vie d'ici-bas, il y a sans aucun doute la peur d'Allah Azza wa Jal et l'espérance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le redouter et d'avoir peur de lui subhanahu wa ta'ala est un acte du cœur qui pousse le musulman à accomplir tout bien et qui empêche le musulman d'accomplir tout mal. Et l'espérance est ce qui amène le serviteur d'Allah Azza wa Jal à espérer la récompense d'Allah et à espérer obtenir sa satisfaction. L'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala motive les personnes et les âmes et les éloigne de tout ce qui pourrait les éloigner d'Allah Azza wa Jal. Devoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala empêche l'âme de tomber dans ses passions, repousse celle-ci d'accomplir le mal. D'avoir peur d'Allah Azza wa Jal te pousse, chers serviteurs et serviteuses d'Allah Azza wa Jal, à faire preuve de virtuosité à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Puis sachez que la peur d'Allah fait partie des branches de la foi. C'est même une des bases de la foi. Et la peur doit être exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah fait partie des branches du polythéisme. Allah Azza wa Jal, dans son noble livre, nous ordonne d'avoir peur de lui et nous interdit d'avoir peur d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, c'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et il dit aussi Azza wa Jal, dans l'autre verset, selon le sens, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes signes à vil prix. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, wa iyaya farhabun. Et c'est moi que vous devez redouter. Wa an Anas radiyallahu anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faqala law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين رواه البخاري ومسلم ومعنى الخنين ارتفاع بكائهم بصوت يخرج من الأنف والخوف أيها المسلمون يراد به انزعاج القلب واضطرابه وتوقيعه عقوبة الله عز وجل على فعل محرم أو ترك واجب أو التقصير في مستحب والإشفاق لا يقبل الله العمل الصالح فتنزجر النفس عن المحرمات وتسارع إلى الخيرات واعلموا أن الخشية أخص من الخوف فالخشية خوف من الله عز وجل مع علم بصفاته جل وعلا كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له رواه البخاري من حديث أنس وقد وعد الله عز وجل من خاف منه فحجزه خوفه عن الشهوات وساقه إلى الطاعات ووعده أفضل أنواع الثواب قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخبر الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات أن من خافه نجاه الله من المكروهات وكفاه ومن عليه بحسن العاقبة. أنس رضي الله عنه rapporte, comme cela est cité dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour exhorté ses compagnons رضي الله عنهم, et il leur a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez plus. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mis à couvrir leur visage et l'on entendait le bruit de leurs pleurs, radiyallahu ta'ala anhum. D'avoir peur d'Allah azza wa jal signifie d'avoir une gêne dans le cœur, signifie d'être pris d'un malaise, signifie d'imaginer le châtiment d'Allah Azza wa Jal lorsque l'on commet un péché ou lorsque l'on délaisse une obligation. La peur et ce sentiment de gêne et ce sentiment qu'il y a dans le cœur lorsque l'on fait des manquements sur des choses surérogatoires. La peur est ce qu'il réside dans le cœur lorsque le musulman redoute qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas ses bonnes œuvres. Et ceci, ce sentiment de peur d'Allah Azza wa Jal, cet acte du cœur, fait en sorte que l'âme s'éloigne de tous les interdits et accourt vers les bonnes choses. Puis sachez que la crainte est plus particulière que la peur. La crainte signifie d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal en totale connaissance de ses noms les plus beaux et de ses attributs les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azza wa Jal dit son le sens: parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants craignent Allah. Et c'est ainsi que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que la peur concerne les croyants. Quant à la crainte, elle concerne les savants. Car la crainte est un niveau plus élevé que la peur, car c'est une peur accompagnée de la connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet: quant à moi, je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah et qui fait preuve de plus de piété vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari selon Anas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui a peur de lui, dont la peur éloigne le serviteur de ses passions et l'amène vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal lui promet les meilleures récompenses. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins aux branches touffues. Il dit également subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nazi'at: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Et il dit également subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Tur: et ils se tournent les uns les autres, s'interrogeant. Ils diront: nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de l'enfer. Ainsi Allah Azza wa Jal nous informe dans ces versets qu'il protège ceux qui ont peur de lui, ceux qui le craignent. Allah Azza wa Jal les protège de tout mal et les épargne de ce qui pourrait leur être nuisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala les comble de bienfaits en leur accordant la meilleure des destinations. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يغلب عليهم الخوف من الله، ويحسنون العمل، ويرجون رحمة الله عز وجل، ولذلك صلحت حالهم، وطاب مآلهم، وزكت أعمالهم. والخوف المحمود هو الذي يحث على العمل الصالح ويمنع من المحرمات، فإذا زاد الخوف عن القدر المحمود صار يأسا وقنوتا من رحمة الله، وذلك من الكبائر العظيمة. فالمسلم إذن بين مخافتين: أمر مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأمر يأتي لا يدري ما الله قاض عليه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que nos pieux prédécesseurs, رحمهم الله تعالى, craignaient beaucoup et avaient énormément peur d'Allah Azzawajal. C'est pour cela que leurs œuvres étaient bienfaisantes. Ils espéraient la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et c'est ainsi que leurs œuvres étaient vertueuses, que leur destination est la meilleure des destinations, et que leur cœur ainsi que leurs œuvres étaient purifiées. La peur qui est recommandée et la peur qui amène à accomplir les bonnes œuvres et à s'éloigner des interdits. Lorsque la peur dépasse la limite, elle devient alors une désespérance face à la miséricorde d'Allah Azzawajal. Or, de désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal, d'avoir peur d'Allah Azzawajal d'une façon outrepassée, d'une façon exagérée, au point que la personne perd toute espérance face à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est un grand péché. Le musulman vit entre deux craintes. La crainte et la peur que les actes qu'il a commis auparavant, les bonnes œuvres qu'il a accomplies auparavant, il ne sait pas ce qu'Allah azawajal va en faire. De même qu'il a peur des actes qui vont venir par la suite, et il ne sait pas ce qu'Allah Azzawajal lui a prédestiné et ce qu'Allah Azzawajal lui a décrété. وأما الرجاء فهو الطمع في ثواب الله على العمل الصالح، فشرط الرجاء تقديم العمل الحسن والكف عن المحرمات أو التوبة منها. وأما ترك الواجبات واتباع الشهوات والتمني على الله ورجاؤه فذلك يكون أمنا من مكر الله لا رجاء. وقد قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد بين الله عز وجل أن الرجاء لا يكون إلا بعد تقديم العمل الصالح، ولا يكون بدونه. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والرجاء عبادة لا تصرف إلا لله، فمن علق رجاءه بغير الله فقد أشرك بربه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quant à l'espérance, chers musulmans et musulmanes, c'est le fait d'espérer et d'avoir envie d'obtenir la récompense d'Allah Azzawajal suite aux œuvres pieuses et vertueuses que l'on accomplit. Ainsi, parmi les conditions de l'espérance d'Allah à Allah Azzawajal, le fait de précéder cette espérance par des œuvres pieuses et le fait de délaisser les péchés ou bien de les faire suivre par un repentir sincère. Quant à celui qui délaisse ses obligations, quant à celui qui suit ses passions, quant à celui qui délaisse ses obligations et suit ses passions, et malgré cela place son espérance en Allah Azzawajal, ceci n'est pas considéré comme une espérance. Ceci est considéré d'être à l'abri, de se considérer à l'abri du stratagème d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal dit: seuls les perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et Allah Azzawajal, dans de nombreux versets, nous explique que l'espérance, la vraie espérance en Allah Azza wa Jal, est celle qui est tout le temps précédée d'actes pieux et vertueux. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui lisent le livre d'Allah, accomplissent la prière et donnent de ce que nous leur avons donné de façon secrète comme en public, en espérant faire un commerce qui ne périra jamais. Et il dit Azza wa Jal selon le sens, dans le verset de l'Baqarah, ceux qui ont cru et qui ont émigré et ont combattu dans le sentier d'Allah, ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Le fait d'espérer d'Allah Azza wa Jal est une adoration qui ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui espère d'autre qu'Allah a associé avec Allah autre que lui. Il dit subhanahu wa ta'ala que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur aucune chose. والواجب أيها المسلمون الجمع بين الخوف والرجاء وأكمل أحوال العبد في عبادته لربه العبادة بالمحبة مع اعتدال الخوف والرجاء وهذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين الذين هم على طريقتهم قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال عز من قائل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فإذا علم المسلم شمول رحمة الله وعظيم كرمه وتجاوزه عن الذنوب العظام وسعة جنته وجزيل ثوابه انبسطت نفسه واسترسلت في الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل من الخير العظيم وإذا علم العبد عظيم عقاب الله وشدة بطشه وأخذه وعسير حسابه وأهوال القيامة وفظاعة النار وأنواع العذاب في النار كفت نفسه وانقمعت وحذرت وخافت ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ce qui est recommandé et obligatoire et de réunir entre la peur et l'espérance. Et la meilleure des situations du serviteur dans son adoration à Allah Azza wa Jal est d'adorer Allah Azza wa Jal avec amour, et ceci accompagné de peur et d'espérance. Et c'est ainsi qu'adoraient Allah Azza wa Jal les prophètes et envoyés d'Allah, ainsi que les croyants qui les ont suivis dans ce chemin. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et il dit Azza wa Jal dans l'autre verset de Sajda, selon le sens, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Lorsque le musulman prend connaissance de l'étendue de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de la bonté immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal est clément envers les péchés même lorsqu'ils sont grands, celui qui connaît l'immensité du paradis d'Allah Azza wa Jal, celui qui a la connaissance de l'immensité des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ses pieux serviteurs, alors son âme se réjouit, son âme se motive et elle espère obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, lorsque le musulman connaît l'immensité du châtiment d'Allah, lorsqu'il connaît la dureté des punitions d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il connaît la difficulté dans le jugement, lorsqu'il connaît les tourments du jour dernier, et lorsqu'il connaît l'horreur qu'il y a en enfer et les différentes formes de châtiment extrêmement horribles qui se trouvent en enfer, eh bien cela pousse son âme à faire preuve de retenue, à craindre et à redouter son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'imam muslim, rahimahullah, rapporte selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si le croyant savait ce qu'il y avait auprès d'Allah comme châtiment, personne n'espérerait obtenir son paradis. Et si le mécréant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, personne ne désespérerait d'entrer dans son paradis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الله عز وجل جمع بين المغفرة والعذاب في كتابه الكريم عز وجل وفي آيات كثيرة جدا منها قول الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وقال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أيها المسلمون والمسلمات وارجوا ثواب الله عز وجل واخشوا عقابه واسمعوا إلى قول الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال الله عز وجل هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول هل لك هذا لك وعشر أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول ربي رضيت فالخوف أيها المسلمون من عذاب الله والرجاء في ثوابه عز وجل وفي هذا العصر الذي غلبت فيه القسوة والغفلة وحب الدنيا على القلوب وتجرأ أكثر العباد على الآثام والذنوب التذكر والخوف من عذاب الله والرجاء من ثوابه يقوي جناح الخوف لتستقيم النفوس وتزكو القلوب وعند الانقطاع من الدنيا يغلب الرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal réunit entre son pardon et son châtiment. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens malgré leur injustice. Et ton Seigneur est extrêmement dur en châtiment. Il dit également Azza wa Jal, selon le sens, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment, certes, est le châtiment douloureux. Chers musulmans et musulmanes, placez Votre espérance en Allah Azza wa Jal. Espérez d'Allah Azza wa Jal son agrément et ses récompenses. Et redoutez et craignez son châtiment. Écoutez la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Et sachez qu'Allah est dur en châtiment et qu'Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. » Al-Bukhari et Muslim rapportent, selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les habitants de l'enfer qui subira le châtiment le plus petit le jour du jugement sera un homme sur lequel seront placées deux braises de feu sous les pieds. Son corps chauffera jusqu'à ce que son cerveau se mette à bouillir. Il considérera qu'il fera partie des habitants de l'enfer qui subissent le châtiment le plus douloureux et le plus horrible. Or, il est celui qui subira le châtiment le plus faible. Et selon Al-Mughira ibn Shu'bah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, que Moussa alayhi salam a questionné son Seigneur et lui a dit, quelle est la place de celui qui aura le plus petit degré au paradis? Allah Azza wa Jal dit, c'est un homme qui viendra après que l'ensemble des gens du paradis soient entrés au paradis. Puis il sera dit à cet homme, entre au paradis. Il dira, ô mon Seigneur, comment puis-je entrer au paradis alors que tous les habitants du paradis ont pris leur place et ont reçu ce qui leur avait été promis? Il lui sera dit, veux-tu obtenir ce qu'avait un roi parmi les rois de cette vie d'ici-bas? Il dira, j'accepte et je suis satisfait de cela, ô mon Seigneur. Allah Azza wa Jal lui dira, tu as alors ce royaume et l'équivalent, plus l'équivalent, plus l'équivalent, plus l'équivalent. Et à la cinquième fois, l'homme dira, je suis satisfait, ô mon Seigneur. Puis Allah Azza wa Jal lui dira, tu as ceci et 10 fois plus encore. Et tu auras tout ce que ton âme désire et tout ce qui réjouit ton regard. Il dira, je suis comblé et je suis satisfait, ô mon Seigneur. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, le fait de craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal dans cette époque dans laquelle l'on vit, une époque dans laquelle, malheureusement, les cœurs s'endurcissent de plus en plus, une époque dans laquelle l'amour de cette vie d'ici-bas a pénétré beaucoup de cœurs, une époque dans laquelle beaucoup de personnes commettent des péchés et des désobéissances à Allah Azza wa Jal, et ceci sans scrupule. Le fait de se remémorer et de se rappeler et de craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala permet aux âmes de connaître la droiture et permet au cœur de se purifier. Et lorsqu'approche le moment où la personne quittera ce bas monde, alors il fera en sorte que son espérance face à Allah Azza wa Jal, son espérance d'Allah Azza wa Jal soit la plus grande. Ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que l'un d'entre vous ne meurt pas que lorsqu'il a un bon soupçon envers son Seigneur. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يخافونه اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الخائفين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان أقول قولي هذا واستغفر الله.